Chapitre 5. Voyage à la Malbanchia. Monsieur de Châteaumorant partit le 20 février. Monsieur d'Iberville fit ses préparatifs de voyage. Il était assuré qu'il n'avait aucun obstacle à craindre de la part des Espagnols ni de la part des Anglais. Il savait qu'il pouvait compter sur les bonnes dispositions des sauvages. Le 27 février, jour fixé, il partit de Biloxi avec 2 biscayennes et 2 canots, et 50 hommes armés de fusils et de haches. Ils avaient pour 20 jours de vivres. Presque tous ces hommes étaient des Canadiens éprouvés dans les expéditions précédentes, et les autres des flibustiers de Saint-Domingue. Il y avait 2 pierriers sur les biscayennes pour imposer aux sauvages. M. d'Iberville était sur l'une des biscayennes avec son frère M. de Bienville et M. de Sauval sur l'autre, avec le père Anastase Récollet, qui avait sa chapelle avec lui. Les prières se faisaient matin et soir, comme sur les vaisseaux, et lorsqu'on pouvait débarquer le dimanche, le père disait la messe. Le 27 et le 28, on commença à longer à l'ouest une grande île de sable. On passa ensuite devant plusieurs baies environnées d'herbes et de joncs, mais sans bois. En naviguant, on faisait la plus grande attention à ne passer l'embouchure d'aucune rivière. Le 1er mars, qui était un dimanche, on aborda à une île, et le père dit la messe pour l'équipage. L'hôtel fut dressé sous un bouquet d'arbres, et comme le sol était très humide en quelques endroits, d'Iberville fit couper des branches pour les mettre sous les pieds des hommes, afin de les préserver de toute incommodité. Dans la journée, les gens tuèrent plusieurs chats sauvages. L'île en était remplie, et on l'appela l'île aux chats, nom qui a subsisté jusqu'à présent. Il fallait tenir la mer à une certaine distance parce que le vent était violent et pouvait pousser sur les rochers. Mais en même temps, il ne fallait pas s'éloigner beaucoup, pour n'être pas enlevé par la mer, qui était très forte. « C'est un métier bien gaillard, dit M. d'Iberville, que de découvrir les côtes de la mer avec des chaloupes qui ne sont ni assez grandes pour tenir la mer quand elles sont sous voile, ni même quand elles sont à l'ancre, et qui sont trop grandes pour aborder une côte plate, où elles touchent et échouent à une demi-lieue du large. » C'est alors qu'étant obligé de gagner la côte, l'équipage, vers le soir du 2 mars, aperçut des rochers très rapprochés les uns des autres et à travers lesquels passait un grand courant. C'était une rivière et d'Iberville pressentit que c'était celle qu'il cherchait. Il s'approcha avec précaution parce que le courant était rapide à faire une lieue et demie à l'heure. M. d'Iberville reconnut alors plusieurs circonstances qui s'accordaient avec les informations de M. de La Salle. Les eaux conservaient leur douceur à une grande distance dans la mer, comme l'avait dit M. de La Salle. Les roches étaient très nombreuses, très rapprochées, et l'on voyait qu'elles étaient de bois pétrifié avec la vase. Elles résistaient à la mer et elles étaient toutes noires. Parfois, elles étaient espacées de 20 pas et d'autres fois beaucoup plus, mais elles conservaient l'aspect d'une palissade, comme l'avaient affirmé les Espagnols. Le fleuve avait 400 toises de largeur, avec une rapidité extraordinaire. D'Iberville reconnut que c'était le Mississippi, et qu'il contemplait cette embouchure que M. de La Salle n'avait pu découvrir. La satisfaction était grande chez tous ceux qui prenaient part à l'expédition. Les gens d'Iberville, qui lui étaient si dévoués, étaient heureux de voir leur chef bien-aimé couronné encore de succès dans une entreprise tentée vainement jusqu'à lui. M. d'Iberville remerciait la divine Providence. Il voyait se réaliser toutes ses espérances. Il se trouvait comme en possession d'un nouveau monde qu'il avait promis au roi et à M. de Pontchartrain. Enfin, le titre de gouverneur de la Louisiane lui était désormais acquis. Le père Douay considérait surtout les intérêts spirituels de ce grand continent. Le lendemain, 3 mars, l'équipage aborda à l'entrée du fleuve. Au matin, la sainte messe fut dite en action de grâce et on chanta le Te Deum. L'émotion du père Douay, qui était un saint homme, était au comble, et il sut la communiquer à son auditoire. C'était une terre nouvelle, conquise au Sauveur, où son nom serait béni et exalté. Il faut reconnaître que les fervents chrétiens auxquels il s'adressait pouvaient comprendre ses pieux sentiments. Quant à d'Iberville, comme l'avait déjà remarqué le père Marest dans l'expédition de la baie d'Hudson, il était toujours le premier à donner l'exemple dans les manifestations de la piété. L'équipage, avant de continuer sa course, resta au repos sous les arbres pour se remettre des fatigues des jours précédents. « Nous sentons, dit M. d'Iberville, couché sur les roseaux et à l'abri du mauvais temps, le plaisir qu'il y a de se voir délivré d'un péril évident. Le lendemain, mercredi des cendres, la messe fut encore célébrée et les gens reçurent les cendres avec les officiers en tête. On commença ensuite à remonter la rivière. À quelques lieues, on trouva ce que les précédents explorateurs avaient appelé une fourche, c'est-à-dire une division de la rivière en trois courants différents. C'était une confirmation de toutes les autres indications que M. de La Salle avait données sur l'embouchure du Mississippi. Après ses assurances pour faire acte de possession au nom de l'Église, M. d'Iberville fit planter une croix par ses hommes. Et le père Récollet la bénit solennellement, pendant que les matelots l'entouraient à genoux et chantaient le « Vexilia regis prodeunt, fulget crucis mysterium ». M. d'Iberville commença à remonter la rivière. Étant arrivé au 30e degré de latitude et au-dessus du delta, il continua sa navigation pour prendre connaissance du pays et de ses ressources. Il rencontra d'abord le village des Bayagoulas, dont plusieurs habitants étaient venus le visiter au port de Biloxi. Là, il trouva le meilleur accueil. Ensuite, il alla au site des Mahongoulas, où l'un des chefs lui vendit pour une hache une lettre de M. de Tonti adressée à M. de La Salle, dans laquelle il lui disait qu'il était venu à son secours et qu'il avait trouvé toutes les nations des rives du fleuve bien disposées pour les Français. M. d'Iberville reconnut la vérité de cette disposition et il continua sa course. Le pays apparaissait dans toute sa beauté. Les terres sont les plus belles que l'on puisse jamais voir. Elles sont traversées par une infinité de belles grandes rivières. Elles sont couvertes de bois francs, comme chênes, ormes, noyers, de vignes d'une grosseur excessive, des prairies sans fin, les rivières couvertes de canards et d'oies sauvages, les arbres remplis d'oiseaux aux couleurs éclatantes, de perroquets, de geais, d'oiseaux-mouches de toutes sortes. Des légions de bœufs sauvages paissent par milliers à travers les prairies. Voici quel était le plan de M. d'Iberville dans cette exploration. Il voulait choisir un site qui serait au centre des tribus indiennes, pour pouvoir facilement communiquer avec elles, et de plus qui serait en communication directe avec la mer par l'une des branches du fleuve, de ces fourches dont M. de La Salle avait parlé dans ses relations. Il trouva d'abord à 40 lieues de l'embouchure la nation des Pascomboulas, et au-delà, il reconnut qu'il y avait une voie directe vers la mer par ces lacs immenses qui occupent la baie du delta. Il explora ces lacs, et en l'honneur des ministres du roi, appela le plus grand du nom de Pontchartrain. Il nomma l'autre Maurepas. En remontant, il rencontra une station où se trouvait un mât peint et décoré que les sauvages appelaient bâton rouge. C'était un point de démarcation entre les terrains de chasse des Pascomboulas et de la nation suivante, les Oumas, dont M. d'Iberville voulut visiter le principal village. Il arriva le 20 mars au village des Oumas. Des chefs l'attendaient sur le rivage avec le calumet de paix. Ils l'entourèrent, le mirent au milieu d'eux, et le conduisirent au village en chantant et en dansant. « Arrivé au village, dit M. d'Iberville, nous nous sommes salués et embrassés. Il était 1 heure de l'après-midi. Il fallut s'arrêter et recommencer à fumer, ce qui me fatiguait beaucoup, n'ayant jamais fumé. Tout le village était rassemblé. Les tambours et les calebasses accompagnaient le chant, et il y eut plusieurs danses. Ce furent d'abord des danses militaires exécutées par des guerriers revêtus de fourrure, armés de pieds en cap et portant sur la tête des mufles d'animaux de toutes sortes, fabriqués avec un rare talent d'imitation. Ces chants guerriers étaient des sons incohérents, mais non formés au hasard. Les danseurs reproduisaient avec une fidélité parfaite les cris et les hurlements des animaux féroces, dont ils mettaient le masque sur leur tête. Deux bandes de guerriers se plaçaient en présence et tout en gardant une certaine cadence, ils représentaient un combat, se précipitant et reculant par bonds. Ils brandissaient les casse-têtes, se frappaient avec des cris de défi, et pendant ce temps les autres guerriers chantaient, en marquant le temps avec des tambours, et en poussant du fond du gosier des cris d'applaudissements tels que « Ouh, ouh, ouh, ouh » ou encore « Tché, tché, tché ». Après la danse des guerriers, on passait à des exercices moins effrayants. Les jeunes gens s'avançaient avec les jeunes filles. Ils étaient richement parés à leur manière. Ils avaient des diadèmes de plumes qui montaient très haut. Leurs ceintures d'orignal, brodées en rassade, descendaient jusqu'aux genoux. Elles étaient ornées tout autour de disques de métal qui retentissaient comme des grelots à chaque mouvement de la danse. Ils étaient peints de rouge, de blanc et de jaune, disposés avec un certain air et figurant des galons et des ornements multipliés. Les jeunes filles portaient des éventails de plumes dont elles accompagnaient leurs mouvements. Les jeunes gens avaient une sorte de sceptre qui marquait la mesure. Ces groupes représentaient diverses scènes de la vie sauvage, comme le départ pour la chasse, pour la guerre, le retour, les fiançailles, etc. Les danseurs se lançaient avec une agilité remarquable et en tournant sur eux-mêmes. Ces danses, nous dit M. d'Iberville, étaient gracieuses et assez jolies, et elles étaient accompagnées de chants pleins de douceur. Quand les sauvages le veulent, ils chantent avec beaucoup d'agrément. Ils ont l'oreille délicate, la voix belle et une disposition remarquable pour la musique. Le lendemain, on visita les villages. On vit 150 cabanes avec une place au centre de 200 pas de largeur. Tout autour, on voit s'étendre d'immenses prairies sans rochers, avec des arbres d'une grande vigueur. Sur les champs s'étalent des fleurs, des citrouilles, des melons et du tabac, d'une taille surprenante. On alla visiter le temple, qui est au milieu du village. C'est un édifice surmonté d'une coupole. Au centre, on entretient un feu continuel. À l'extrémité, il y a un sanctuaire avec des tables en forme d'autel. Sur ces autels étaient disposées des fourrures précieuses et d'autres emblèmes mystérieux. En revenant à la hauteur de Bâton Rouge, M. d'Iberville reconnut par ses calculs qu'il était à l'altitude de Biloxi, où se trouvaient ses vaisseaux. Alors il observa les rives et trouvant au-dessous de Bâton Rouge un courant d'eau considérable allant en droite ligne du Mississippi dans la direction de l'est, il s'abandonna à ce courant qui, suivant sa prévision, allait se jeter dans la baie de Biloxi. C'est cette rivière que l'on a nommée la rivière d'Iberville, d'après celui qui l'avait découverte. Elle a 25 lieues d'étendue. Elle lui épargna l'immense parcours qu'il lui aurait fallu faire pour descendre le Mississippi avec tous ses détours jusqu'à la mer, au 29e degré, et pour remonter jusqu'au 30e degré à Biloxi. C'était près de 100 lieues d'épargnées. Cette rivière offrait bien des portages, mais elle révélait un pays magnifique, d'une grande abondance en poissons et gibiers. On vit passer sur les rives par centaines des troupeaux de bœufs au galop. La rivière se jetait dans le lac Maurepas, qui est la suite du lac Pontchartrain, et de là, M. d'Iberville arrivait le 30 mars à Biloxi, ayant fait 300 lieues environ en 30 jours, y compris les stations aux différentes nations sauvages. Là, M. d'Iberville écrivit sur son journal. Depuis un mois de séjour, un peu de curiosité eût dû encourager les personnes qui sont restées à faire sonder les environs de cette rade avec leur traversière. Puis, réfléchissant que cela exprimait un blâme pour ses subordonnés, il a effacé cette phrase pour qu'elle ne fût pas mise dans la copie qu'il devait envoyer au ministre. Les jours suivants, le sondage fut accompli par M. d'Iberville. Après cette exploration, il jugea qu'il n'y avait pas d'endroit plus convenable que la baie de Biloxi pour l'érection d'un fort, et il fit aussitôt abattre des arbres en quantité suffisante. Ces arbres étaient d'un bois si dur que les haches s'y brisaient. Aussitôt, une forge fut établie pour réparer les haches à mesure de l'exploitation. À la fin du mois, le fort était terminé. Aussitôt, on fait descendre les canons avec leurs affûts, on fait aussi installer les vaches et les volailles, puis l'on sème des pois de fèves et du maïs alentour du fort. Les Espagnols vinrent alors pour visiter les Français. Ils virent le fort et purent en admirer l'ordonnance. Cela pouvait leur donner à réfléchir, mais M. d'Iberville s'en inquiétait peu. Il avait jugé ces Espagnols comme des hommes de peu d'importance. Il fait cette réflexion. Les Espagnols établis dans ces contrées se sont beaucoup nuis par leurs alliances avec les Indiens. Les enfants provenant de ces unions tenaient beaucoup plus du sang sauvage que du sang espagnol. Ils étaient chétifs, mous et sans énergie. « Je suis certain, ajoutait-il, qu'avec 500 Canadiens, je pourrais enlever le Mexique, où se trouvent tant de trésors. » Toute cette expédition du Mississippi avait augmenté l'estime que M. d'Iberville avait de ses compagnons d'armes canadiens. Il les avait vus inébranlables dans les plus grandes fatigues, intrépides, ne reculant devant aucun danger, infatigables dans les marches et dans toutes les manœuvres. Il avait pu reconnaître avec une sensible complaisance que ses compatriotes étaient au moins égaux à ces flibustiers de Saint-Domingue, que l'on regardait comme les hommes les plus audacieux qu'il y eût alors dans le monde. De plus, il les avait trouvés d'une ressource précieuse dans ses relations avec les sauvages. Sachant les gagner par leurs égards et leur amabilité, et pouvant s'en faire comprendre par la connaissance des langues sauvages du Nord, dont beaucoup d'expressions avaient pénétré sur les côtes du Golfe. Cela était dû aux Tuscaroras, nation iroquoise établie depuis longtemps dans le voisinage du Mississippi, dans la province de la Caroline. Le père Anastase, vu ses fatigues et son grand âge, avait manifesté le désir de revenir en France, ce que M. d'Iberville accorda aussitôt. Il fit venir au fort le jeune aumônier de la Badine. Mais lorsque les fêtes arrivèrent, c'est-à-dire le dimanche des Rameaux, le 12 avril, le père Anastase se fit conduire en chaloupe par M. de Beauharnais au fort pour confesser tous ceux qui se présentèrent. Il y revint encore le jeudi saint, y resta jusqu'au jour de Pâques, dit la messe, et le soir il y eut sermon et vêpres. Après quoi il revint au vaisseau pour faire faire les Pâques aux gens. Il y eut encore confession, messe et communion. Tout étant réglé, M. d'Iberville laissa au fort près de 14 000 rations, et de plus, il envoya un traversier à M. Ducasse pour avoir des vivres. Lui-même ne devait pas prendre ce chemin, mais profiter du Gulf Stream pour sortir du golfe du Mexique. Il dit « Le 2 mai, j'ai établi les offices du fort. J'ai fait reconnaître le sieur de Souval, enseigne de vaisseau, pour commander. C'est un garçon sage et de mérite. J'ai mis mon frère de Bienville, âgé de 18 ans, comme lieutenant, et Levasseur Boussonnel comme major. Je leur laisse 70 hommes, les mousses et de plus les équipages des traversières. » Il laissait les mousses pour séjourner parmi les sauvages, afin d'apprendre leur langue. C'est ainsi que son père avait agi autrefois à Montréal, avec lui et ses autres frères. Il plut extraordinairement les 2 jours suivants, et si abondamment que les eaux de la baie devinrent douces, fait incroyable et cependant réel. Le 4 mai au matin, on leva l'ancre par avant du sud-sud-ouest. Au 20 mai, ils étaient devant l'île de Cuba, à Matanzas, à 10 lieues est de la Havane, et le 23, ils arrivèrent au cap de la Floride. Le 23 mai, samedi, M. de Surgères avait rencontré 3 vaisseaux anglais qui, les prenant pour des forbans, firent mine de tirer sur le marin. « Ils auraient été bien accommodés s'ils avaient commencé, » dit M. de Surgères, qui ne doutait de rien. Mais reconnaissant des vaisseaux français, ils leur firent 1000 amitiés. Ensuite, ils voguèrent de conserve avec nous, et cela heureusement, car ils connaissaient les îles de l'entrée du golfe, et ils pouvaient passer le Gulf Stream, que nous ne connaissions pas. Ayant démarqué au golfe le 26 mai, nous remerciâmes Dieu et nous quittâmes les Anglais, car nos frégates allaient mieux que les leurs. Nous suivions l'est-nord-est, nous dirigeant vers la France. Nous allions du 30e degré au 45e. Là, nous avons été assaillis par une tempête épouvantable. Les matelots n'en pouvaient plus. On voulut jeter les canons à la mer, mais on nous a les déplacer, de peur d'enfoncer le vaisseau. Nous pouvions nous croire à notre dernière heure. La Badine n'eut pas les mêmes épreuves, nous ayant devancés. Le 1er juillet, arrivé à Chef de Bois, puis à l'île d'Aix, et le 2 juillet, entré dans le port de Rochefort, où nous retrouvâmes la Badine.